Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. Dans la chronique technologique CNX, on parle de quelques trucs cool. Et Sébastien Dulune nous parle de sorties culturelles alternatives. C'est maintenant à Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, votre émission du retour en pièces détachées. Je m'appelle Kiwan. Et moi, c'est Mathieu Plante. Ah, salut, Matt. Salut, Ki. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui. Tu lisais le journal, là, il se passe plein d'affaires. Hein? Tu te remets au courant après ta fin de semaine de fou, là, à chasser des ours. Ouais, ben à chaque jour, c'est un peu... Je sais pas qu'est-ce que je fais de ma journée, mais bref, j'ai toujours le journal à l'après-midi, là, à 3h quand j'arrive ici. Puis là, j'ai comme l'impression que j'ai raté tout ce qui se passait dans le monde. Mais bon, je sais pas, je suis comme ça. Je pense que je suis déconnecté. Ouais. Hey, mais l'article super intéressant dans le cahier voyage de la presse, je pense que tu vas t'en reparler tantôt. Tu y vas directement au plus important, le cahier voyage. C'est moi, le cahier actualité, c'est pas celui que je rouvre en premier. Tu t'en fous, toi, de ma Kolyniatieff? Ben, pas que je m'en fous, là, mais ça fait pas partie de mes priorités dans ma vie. Bon, on s'en reparle. Tantôt dans l'émission, on va recevoir notre bon ami Sébastien Dulude pour quelques sorties alternatives culturelles. On a aussi une chronique technologique CNX. Et là, des trucs cool. Ça veut juste dire que c'est des affaires, le fun. Ça n'a rien à voir avec rien, mais c'est juste cool, puis c'est en technologie. Truc cool. C'est quand même suggestif, là. C'est selon ton objectivité, là. Qu'est-ce qui est cool? C'est très Mathieu trouve ça cool. OK. On va faire ça comme ça, comme chronique. Mathieu trouve cool. Trois petits points. Ouais. Je le trouve cool moi-même, hein. Je suis tout en train de parler de moi-même. Mais bon. Hey, aujourd'hui, ne sera pas là pour ceux qui se demandent pourquoi on vous présente pas François Landry. On l'a pas oublié, c'est non. Juste qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il va être de retour exceptionnellement lundi prochain. Et voilà. Voilà. On commence en musique notre émission d'aujourd'hui à Assemblage requis avec une formation qui s'appelle Romocto Diamond. Ils sont sur le palmarès anglophone de C'est fou. C'est une nouveauté, c'est dans le palmarès anglophone, 120e position. C'est la pièce The Last Diamond in the Cave qu'on va écouter. Assemblage requis! 89.1 FM. Oh! Romocto Diamond. C'est comme une nouvelle onomatopée. Un nouveau juron. Oh! Romocto Diamond. Yeah. proche, approche, t'es le dernier cri, ma recherche la fille. Ton look les moustilles, elle tient pas l'alcool. C'est tout faux, mais c'est bon, c'est ce qu'il faut. Allons raffoler. Chacun son prix, chacun sa coupe. J'aime ton style, faut filer. Il y a les faux filets, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou. Vous êtes à l'assemblage requis avec Kiwan et Mathieu. Oui, c'est tout à fait. Et c'est toi. Effectivement. Ce sont nous. Ce sommes nous. Nous sommes nous-mêmes. Mes verbes sont mal accordés, mais vous comprenez pareil. Hein? Ben, je sais pas. Si tu te comprends, Mathieu, c'est ça qui compte. Ben, je compte énormément pour moi-même. Hey, tu sais, qu'est-ce que j'ai goût de faire tout de suite? Regarder dans le journal, apparemment, parce que c'est ce que tu sors de ton cubicule. Non, mais tantôt, je te parlais d'un article qui est intéressant dans le cahier Voyage de la presse aujourd'hui. Uh-huh. C'est pas l'article qui est sur le dessus. Vous devez feuilleter quelques... ou même si vous allez sur Cyberpresse, là, t'es comme super loin. Il faut que vous défiliez la page très, très loin en bas pour trouver un petit article vraiment fascinant sur un gars qui s'appelle Simon Bourque et puis qui est en train présentement de se taper le sentier des Appalaches au complet. Si vous savez pas ce que c'est le sentier des Appalaches, là, ça part de la pointe de la Gaspésie, ça descend jusqu'en Georgie, tout près de la Floride. Donc c'est 4500 km, c'est vraiment long. Puis lui, il fait pas en scooter là, ou en avion, là, il fait à pied. C'est vraiment malade, moi je trouve ça admirable. Puis je connais un gars qui a déjà fait la partie québécoise, c'est quand même 650 km, juste la partie québécoise en Gaspésie. Puis il l'a fait l'hiver. C'est vraiment malade. Puis ça, c'est ce qui est un petit peu dommage. Dans l'article, en fait, qui est quand même court, on parle pas vraiment là, du day-to-day, de comment il s'arrange là, au jour le jour, Simon Bourque. Mais vous pouvez aller sur son blog qui s'appelle unelonguemarche.ca. Vraiment un super de beau blog. Il y a une carte. On va faire le tracking, savoir où est-ce qu'il est rendu. Je sais pas comment il fait, là, mais en tout cas, il y a quelques articles qu'il publie couramment. Mais ouais, c'est ça. Moi, je connaissais un gars qui a fait 650 km quand même dans le sentier des Appalaches, mais il a fait en hiver. Puis il n'y a pas de sentier là, parce que c'est pas battu. Il y a quelques petites sections là, dans des régions plus habitées où il y a des petites parties qui sont battues par les racketteurs. Mais sinon, c'était vraiment pas battu. Il a fait ça sans tente. Il dormait à la Belle Étoile en plein hiver dans son sleeping. C'est vraiment une brute. Carrément une brute. Je l'admire au bout. Ce gars-là s'appelle Eliel Bureau-Laporte. Je pense pas qu'il nous écoute parce que c'est un Gaspésien. Puis aux dernières nouvelles, je pense qu'il était parti traverser le Canada en vélo. Mais en tout cas, je pense pas que ce soit le genre de gars qui écoute la radio ou la télé. Il fait juste tout le temps être dehors. Hein, ouais, vraiment, là, l'hiver, pas l'hiver, mais l'été, lui, pour sauver de l'argent, pour pas payer un loyer, il vit dans un tipi dans le bois. Wow. Donc, moi, je l'admire, en tout cas. Ouais, moi aussi, je l'admire, je le plains un peu. Un petit peu, là. Mais à peine. Ouais. Parce que je suis pas capable. Moi, c'est le genre d'exploit que j'aime beaucoup. C'est impressionnant, en tout cas. Moi, je suis impressionné, vraiment. Ouais, on l'est tous. Donc, allez faire un tour sur unelonguemarche.ca. C'est le blog de Simon Bourque, le randonneur qui fait 4500 km présent. Il est fou! C'est un fou. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. Plus tard dans l'émission, on va parler de sorties culturelles. Ça, c'est vers la fin de l'émission, donc pas tout de suite. Ce qui s'en vient bientôt, c'est la chronique technologique CNX, mais ce qui s'en vient encore avant ça, c'est de la musique de Palmarès. On s'en va entendre la formation Marcy Playground. C'est nouveau dans le Palmarès anglophone. Voici Blackbird. À Assemblage Requis. Au 89.1 FM. Et les petits oiseaux noirs. Je sais pas s'il y a des oiseaux noirs dans la forêt un peu, des fois. Peut-être. Sûrement. Il y a sûrement un lien à faire avec ça. Il y a pas de quoi pour faire un lien, ça. She sang her melody as she sang. I promise you I won't fly away. Blackbird, tell no lies. Blackbird, you caught my eye, but the rain has taught me that you will fly. Just as soon as the skies turn gray. Thank you, rain. Thank you, rain. Wash away all my pain. Clouds, beautiful skies today. You'll chase them until your dying day. Thank you, rain. Thank you, rain. Jusqu'à 17h. Je me suis réveillé dans les crocs de mon patron. Quand j'y repense, mes nerfs, c'était des os. qui s'écroule en silence. Au bijou avec une autre excellente pièce de leur album Bacon, c'est la pièce Intro to Season. Mais ce n'est pas une intro, même si elle porte le nom d'intro étrange. Ben, tu sais, ça peut toujours servir d'intro. Quand c'est la première pièce de l'album, tu sais... Mais une intro, c'est court, d'habitude, non? C'est pas une intro conventionnelle, disons. Bon, c'est mieux dit comme ça, je trouve. Avant ça, on avait entendu Lila Dissa, avec leur petit EP, la pièce New York Froid qu'on a entendu. On avait commencé le bloc avec Marcy Playground, la pièce Blackbird. Toi, tu te souviens pas de Marcy Playground? Quand t'étais un enfant, il y avait une pièce super connue de Marcy Playground qui s'appelait Sex and Candy. Connue dans les radios commerciales. Ben, connue à travers le monde, je dirais. Ah, ouais? Non, mais il y avait un clip, là, Music Plus, qui jouait beaucoup, puis qui jouait partout dans sa loi, sur toutes les radios commerciales. C'était un One Hit Wonder. Ouais, parce que je pense qu'il n'y a comme rien fait d'autre après cette pièce-là. C'était vraiment un One Hit Wonder. Puis là, tu vois, ils font un retour, puis c'est vraiment bon, finalement, cet album de Marcy Playground. Mais tu m'intrigues, il faudrait que j'aille entendre la pièce qui les a rendus célèbres. C'est sûr que tu vas l'entendre, tu vas la reconnaître, tu vas dire, ben oui. On vous la fera jouer à un moment donné, peut-être. On la trouvera. Ouais. Bon. Tantôt, chronique technologique CNX avec quelques trucs cool, mais c'est pas tout de suite, ça va être un petit peu plus tard. On va aller entendre Malajube avant ça. Oui, la pièce Ursuline de l'album Labyrinthe. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Sur C'est fou. 89.1 FM.

Ouais. Juste des robots. Mais un petit peu de robots aujourd'hui, c'est pas pire. Tu maintiens le quota de robots. Je vais éparpiller tel du sel. C'est bien, tu saupoudres le robot. C'est ça. I'm saupoudring the robots. Bon, ça va faire pour la collection NX. On s'en va en musique, entendre un petit bloc électro. Je trouve que c'est cool de faire ça des fois. Faisons ça, ça va commencer avec DJ Champion. Voici Live Again et plus tard, on entendra nos amis de... Mastercraft. Il y a des paires de fesses sur l'album, fait que c'est toujours, toujours tentant de faire jouer ça, tu sais. Pas? Ouais, c'est ça ressemble à ça. C'est vraiment ça. Ouais. C'est vraiment ça? Ah ben oui, c'est bien trop. Allez voir sur Google. We'll be right back. En diagonale. Avec le... Diagonale. Key one. Mastercraft! C'était oui, bon. Avec la pièce 1000 cigarettes. Ouais, des fois, on était impertinents comme ça, à tranche de vie. Donc, Mastercraft, très très bon. Avant ça, on a entendu Champion, ou DJ Champion, avec Live Again, un petit bloc électro. Ça fait jamais de mal, ça, Kiwan. C'est toujours bon. Diagonal. Diagonal, les bananes, c'est très bon. Et on va s'en aller en musique encore. Encore? Avec, entre autres, le groupe Plaza Musique, la pièce Fleur de pluie. Sur le blog de Bande à part, on apprenait aujourd'hui, hier en fait, que le groupe Plaza Musique serait en nomination, possiblement, pour les Grammys en 2010. Avec la pièce Fleur de pluie, mais on ne sait pas encore parce que c'est comme la pré-sélection, ils ne sont pas en sélection officielle encore. Et puis on ne sait pas non plus la catégorie parce qu'ils ne l'indiquent pas. Mais quand même, c'est quand même gros. C'est malade. Là. Aux Grammys. C'est un groupe de Montréal, Place de musique pour ceux qui ne savent pas. Je chante en anglais, mais en français aussi. La pièce Fleur de pluie est en français. C'est vraiment fou. Il y a presque autant de chansons en français qu'en anglais dans l'œuvre de Place de musique. Et puis ce que je trouve bizarre, c'est qu'ils sont tellement pas connus ici, tellement pas reconnus non plus. Tu sais, on est loin de voir Plaza Musique apparaître à la disque ici. Donc, c'est pas la Pâte à Rose qu'on va entendre dans le bloc aussi. Non, c'est ça, même la Pâte à Rose ont un plus grand succès commercial qu'eux. Plaza Musique, ça joue même pas assez fou tant que ça, à part toi. Pas tant. J'ai entendu aussi à l'émission de Sophie Laforêt récemment même. Mais sinon, c'est vrai, même assez fou, ça joue pas beaucoup. C'est pas mal à jouer. C'est vraiment très, très bon. Mm. Puis tu vois, au moins, c'est cool, il y a des gens qui reconnaissent leur talent. Donc, on va suivre ça là, voir s'ils vont être vraiment en sélection officielle aux Grammys. Cool. Avant d'entendre Plaza Musique, on va entendre La Marelle, qui est la pièce du palmarès de La Pâte à Rose. C'est la position numéro 1 du palmarès francophone. Rien que ça. Rien de plus, rien de moins. Rien de moins. Espérons que ça dure un peu. Les autres sont reconnus assez fous, sont big. Ils sont très trendy avec nous. Pourtant, bon, vous êtes à Sans Reblage Requis au 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières. C'est cuit en mouvement, quoi. Place de la musique, c'est plutôt la pièce magazine qu'on a entendue. On vous avait parlé de Fleur de pluie tantôt. Là, on a entendu magazine, mais c'est vraiment la pièce Fleur de pluie qui sera peut-être en nomination aux Grammys. Sacré MySpace. Ah, maudit MySpace. Et motadine. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 17h. C'est l'émission du retour en pièces détachées. Dans la deuxième heure, c'est là que les chroniques embarquent. Oui, Sébastien Dulude va venir nous voir pour nous faire des suggestions de sorties alternatives. Et puis, sûrement d'autres choses, dont la musique de... Mille Monarques. Ça va être bon, ça. Restez là. Restez avec nous. On est toujours tout en double, hein? Ça fait plus la job. C'est vous dans... Et c'est vous dans... 89-1-1. Vous êtes toujours à Assemblage Rocky, c'est l'émission du retour en pièces détachées jusqu'à 17h. Son nom est Kiwan La Liberté. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et vous êtes donc fin d'être avec nous jusqu'à 17h. Merci. Merci, on l'apprécie. Ça fait tellement cheapo, genre. Ah, on a besoin de vous, merci. Sans blague, l'émission continue et puis on va voir la chronique de Sébastien Dulude tout à l'heure avec ses sorties culturelles alternatives. Mais tout de suite, on va aller écouter la pièce « L'immense larme » de Mille Monarques. Comme ça de même. Ça sera suivi de Grégory Poivre, comme je l'appelle. Intimement. Vous êtes buddé pas mal. Hein? C'est ça. Gregory Pepper, l'album « And His Problems with Trumpets Flaring » et la pièce « I Was a John ». J'ai tout dit, moi. Hein? Tout dit. Ça. On s'en retient pas, l'intro est longue. Laisse donc parler la musique. Comme Arrête FM, je sais. Oh, Gregory Pepper and His Problems avec la pièce It I Was a John. Hein? Peut-être un futur succès du palmarès, au moins l'artiste. Ah, peut-être. On entend des rumeurs qui courent des fois, une fois de temps en temps. Avant ça, il y avait Emile Monarque avec L'immense larme, un succès des palmarès. Oui, Emile Monarque, ils vont faire partie de la grandiose programmation de Pop Montréal. Spectaculaire, je dirais. C'est spectaculaire, oui. C'est le bon terme. Tellement de groupes, tellement de programmation tellement lourde, tellement grosse. À peu près toutes les salles, tous les diffuseurs de Montréal vont être pris par Pop Montréal au cours de la fin de semaine prochaine. Je pense que si j'étais un artiste montréalais puis j'étais pas invité à Pop Montréal, je le prendrais mal. Ah. Non, c'est pas vrai, pas tant que ça quand même, là, parce que c'est la crème, mais bon. Puis t'en es pas un pareil. Voilà, c'est donc un point, il n'y a même pas de discussion. C'est rien cool à dire. Il y avait Sophie Laforêt qui faisait une émission spéciale sur Pop Montréal lundi. Elle qui a un blog sur sophieaimelamusique.blogspot.com. Oui, puis son émission est en balado-diffusion sur MySpace. Exactement. Donc, allez-y, écoutez ça, le spécial Pop Montréal de Chérie, m'écoutes-tu, diffusé ici les lundis à 18h. Et elle fait des chroniques dans l'émission du matin, la pilule du lendemain. Donc, syntonisez cette émission-là de 7h à 9h. Ah, beaucoup de plugs en même temps, hein? On est connecté. Symbiose. Tumeur. Une tumeur. Il n'y a pas, non? Non. C'est un lien de plus tôt dans l'émission que personne ne se rappelle. Ça. Ah, OK. Une tumeur. Tu vois, même moi, je m'en souvenais pas. En tout cas, laisse ton faire. Une blague, là. N'importe quoi. Ah, retournons en musique avec, oui, avec le groupe Major, anciennement Major Bidet. C'est donc Major sans bidet. Je m'ennuie du nom, moi, vraiment beaucoup. Major Bidet, je trouve que c'était très cute comme nom. Ça n'existe plus, Major Bidet. C'est seulement Major. Puis on attend toujours l'album de Major. On a le single ici, Ping Pong. On va l'écouter dans quelques secondes. Mais l'album complet, on l'attend. C'est prévu pour bientôt. Là, ils sont en studio, donc ça devrait arriver un jour. Sous studio? Non. Blague de... C'était qui ça? C'était Brian Sting? Brian Adams? J'ai aucune idée. Sous studio? Vous êtes Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Au 89 FM. C'est fou. Est-ce que ça te choque? Prends tes affaires, on s'en va. On reviendra sûrement pas pour y retourner encore. On a beau faire le tour du monde, changer de ville, changer les choses, pour se perdre dans les mêmes histoires qu'on se racontait. Je groupe Cougar. Cougar? Parce qu'il y a quand même une ponctuation là-dedans, il faut la respecter. Et le cougar mue en même temps qu'il l'a dit, donc c'est pour ça que ça fait cougar, cougar. Non, c'est une question puis une exclamation. C'est cougar, cougar. Ah? Cougar? La pièce Supernova. Faut se pratiquer pour le dire avec de l'émotion, hein? C'est comme une pièce de théâtre, ce nom-là. C'est pareil, Mathieu. Ça va être diffusé bientôt à la Maison de la Culture. Voilà. Que de culture ici à Assemblage Requis jusqu'à 17h. C'est une émission du retour en pièces détachées. À venir plus tard dans l'émission, on va recevoir Sébastien Dulude pour parler de sorties culturelles alternatives, comme on le fait tous les Mercredi. Oui, tout à fait. C'est le jour de la semaine qu'on appelle le Mercredi. C'est comme la bosse dans le milieu de la semaine. Hump Day qui appelle en anglais. Ah. Jour de la bosse. C'est comme un rameau. Donc on va se gratter la bosse. Oui, ben fais ça tout seul et dans l'intimité. L'intimité. S'il te plaît. Allez voir assemblagerequis.com. Pour ceux que ça intéresse, en fait, l'émission Assemblage Requis a son site web. Et là-dessus, il y a plein de choses, n'est-ce pas? Oui, entre autres, les balado-diffusions des émissions. Les liens de tout ce qu'on raconte comme niaiserie dans notre émission. Oui, les certains blogs de chroniqueurs. Oui, absolument. Simon Fitzbé qui nous envoie ses chroniques à chaque semaine. Et ça se ramasse sur le blog d'Assemblage Requis. Et Kiwan qui parle de son aventure sur un mont des Atikamekw. Comment ça s'appelle ça? Adirondack. Oui, ça arrive. T'en parles toi, tu publie, veux pas. Ça arrive que je publie des articles, oui, mais. Et là, t'en as un, parle-en. Mais sur assemblagerequis.com. Ben, voilà. Okay, ben pas en pas d'abord. Ben voilà. Bon, allez voir sur le site, puis Kiwan ne vous en parlera pas à la radio, apparemment, parce qu'il a trop honte de son aventure. De quoi j'ai eu honte? J'ai pas t'en honte. T'en parles pas. Mais non, mais moi, je fais ça tous les jours, prendre une marche dans le bois, là. Je te parlerai pas du bois à tous les jours. Ça va être un petit peu ennuyant, je pense. Parle de différentes sortes de bois, de contreplaqué, de. Ouais, que je vais me préparer une chronique bois, là. S'il te plaît. Capoter. Malade. J'ai bien hâte de voir ça. C'est sur assemblagerequis.com. Sinon, allez voir cifou.ca pour le site de Cifou avec tous les détails. Tous les détails. J'ai même fait une belle liaison là-dessus. Tous les détails. Ouais. Tous les détails sur cifou.ca des émissions quotidiennes. On parle de la pilule du lendemain qui est de 7h à 9h, des fois. Ensuite, le midi, il y a le dîner de con. Et puis, nous, à 15h, c'est Assemblage Requis. Allez-y, c'est sur cifou.ca. On va retourner en musique tout de suite avec le groupe Mimi Van Der Glo, le groupe de la Mauricie. Mimi. Moi, je les appelle Mimi Van Der Brille. Ouais, parce que tout est excentrique, mais sinon, le groupe, c'est Mimi Van Der Glo. Et puis, ils sont très connus ici en Mauricie, puis ils commencent un petit peu à jouer à Montréal. Ils ont comme pas percé le marché montréalais, mais ils ont un spectacle annoncé au mois de novembre pour Montréal. Je sais qu'ils ont participé aux Francouvertes l'année dernière ou l'année d'avant, puis ça avait été dur un peu à Montréal. Ils sont vraiment moins connus. Peut-être un style de musique aussi qui est un petit peu moins à la mode à Montréal. Mais ouais, c'est sûr qu'ils commencent à percer les marchés urbains du Québec. C'est beau de te voir, de te dandiner la tête sur ces phrases-là. Donc, on écoute une vieille pièce de Mimi Van Der Glo. Oui, un classique, en fait, des palmarès de C'est fou. Voici Soleil de la Rive-Sud. Vous êtes Assemblage Requis. Au 89.1 FM. Ressemble à une lampe de poche à pluie brillante. sapinage, je brûle les boules au vent, tu fais des crises de beaux arbres de Noël. Ça naît le long de la route, le sapinage brûle. Puis si tout le monde se trouve beau, on se donne des tapes dans le dos. Formation locale, Mimi Vanderglo avec Soleil de la Rive Sud à Assemblage Rock. Oui, c'est pas mal la première pièce qu'ils ont fait connaître ici à Trois-Rivières. Et assez fou. Oui, autre que leurs autres énormes succès, Polaroid et plein de trucs comme ça, Vers de terre. C'est tellement bon. On les aime, Mimi Vanderglo, extrêmement fort, on les sert. Et pour ceux qui sont habitués d'écouter religieusement l'émission Assemblage Rocky, peut-être que vous vous demandez pourquoi François Landry n'est pas ici, parce que d'habitude, à tous les mercredis, vers 16h20, il fait sa chronique d'actualité politique. Il ne sera pas là aujourd'hui exceptionnellement, malheureusement. Non, il prépare l'Assemblée générale de demain. Exactement. Qui aura lieu ici à l'université. Donc, soyez là pour ça. On va vous en reparler, en fait. On va même vous donner toutes les infos tantôt, je pense. OK. Oui, c'est une bonne idée. Parfait, on va faire ça. Puis sinon, ben, François, lui, va être de retour lundi prochain. Oui, parce qu'il fait des chroniques les lundis et les mercredis à 16h20. Exactement. Plus tard, par contre, dans l'émission d'aujourd'hui, on a un autre chroniqueur qui va être là. Et lui est toujours à chaque semaine, une fois par semaine, les mercredis. Sébastien Dulude avec ses sorties culturelles alternatives. Tantôt, ouais. Dans une vingtaine de minutes. Mais d'ici là, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on se prépare un bloc qu'on va appeler « Vidons la pile ». On vide la pile. On vide la pile. Oui, on vide la pile. Parce que, tu sais, avec les jours, quand on prépare de la musique, qu'on s'accumule les CD qu'on veut faire jouer, on en amène beaucoup trop. Fait que là, on se dit « Ah, ça, on n'a pas eu le temps de le faire jouer, on va le faire jouer demain. » Puis là, on fait une pile avec ça. Sur mon bureau, j'ai une belle petite pile de choses prêtes à être diffusées. Puis là, à chaque jour, j'en rajoute dedans. Puis on fait jouer des affaires, puis d'autres, on en fait pas jouer. C'est ça. Donc, on va la vider un peu. On vide la pile, on passe trois groupes qu'on traîne depuis à peu près le début de la ouais, saison. Absolument, ceux-là particulièrement. Mais c'est des choses qu'on veut vraiment écouter, mais c'est qu'on ça. Prend jamais le temps parce qu'on fait jouer du palmarès ou des nouveaux trucs. T'sais. C'est ça. Fait que là, ça fait un mois qu'on remet ça à plus tard. Mais là, c'est fini. C'est tout de suite qu'on vide la pile. On vide la table à l'envers. Puis on vous passe des vieilles affaires ou des choses plus récentes. C'est vraiment un mélange de n'importe quoi. Tantôt, on va entendre du demi-lucide électronique très, très freak, mais j'adore ça. Power Step, c'est un petit peu plus récent. Ça va jouer en deuxième position dans notre bloc. Mais on commence avec un classique de la formation Placebo, leur album Meds, qui date de vraiment, vraiment très longtemps. Hein, en 2006. Vraiment très longtemps. Ben, 3 ans et demi. Quand même. C'est long, hein, en termes ouais. de radio. Non? Bon. Voici Infrared. Vous êtes à Assemblage Rocky au 89.1 FM. Et on vide la pile. There's call the ambulance. There's gonna be an accident. I'm coming up on infrared. There is no running that can hide you now. 'Cause I can see in the dark. I'm coming up on infrared. Forget your running. I will find you. Someone call the ambulance. There's gonna be an accident. I'm coming up on infrared. There is no running that can hide you. 'Cause I can see in the dark. I'm coming up on infrared. Forget your running. I will find you. C'est épeurant, hein? Épeurant. Freak un peu, non? Tu trouves pas? Ben, c'est bon, en tout cas. Moi aussi, j'adore ça. Ça fait vraiment longtemps que j'avais pas entendu du Demi Lucide. Absolument génial. DemiLucide.com pour en savoir plus sur lui. Sur MySpace, on apprend que c'est un artiste, il se dit Montréalais, en tout cas. Montréalais. Et puis, jusqu'à maintenant, ça a pas l'air d'y avoir grand-chose. Guitariste recherché, il parle de drogue, ni album gratuit. Donc, allez télécharger l'album. Bon, parfait. C'est renseigné, hein, comme petite bloc d'information. Pas c'était pire. Vraiment... Sur la flag. Bref, c'est notre bloc où on vide notre pile. Exactement, on a vidé un peu la pile. Il y avait aussi Power Steps dans le groupe et le bloc avait commencé avec Placebo. Et Placebo devait être à Montréal au Métropolis le 7 octobre prochain, c'est bientôt. Mais la tournée américaine au grand complet a été annulée parce que le chanteur Brian Molko a attrapé un virus dans leur tournée asiatique. Et puis, c'est ça, il est malade. Donc la tournée américaine a été annulée au complet. C'est tellement facile de faire des jeux de mots avec les placebos puis les médicaments et tout ça. C'est... Non, on n'en fera pas. Trop facile. Bon, les blagues faciles, hein? Bon. Amenons Sébastien Dulude pour sa chronique « Va voir ailleurs si j'y suis ». Salut. Ouh. Salut. Salut Sébastien. Enveloppé. Ça va les gars? Oui. Bien et toi? Ça va bien. Toi qui es un gars renseigné en termes de culture, plus que ce que je viens de faire sur DemiLucide. Hein? Tu vas être renseigné sur tes sujets, j'en suis sûr. Oui, mais je navigue sans feuilles cette semaine. Freestyle sans filet. Les feuilles tombent. Jeu de mots sur l'automne? Ouais, quoi de mieux qu'un mercredi glacial et humide pour parler poésie? Bien entendu, Festival international de la poésie de Trois-Rivières, c'est un incontournable. Il faut en parler. J'essayais de voir de quel angle je pourrais amener ça. Je pense que le concept est assez évident. Pendant 9 jours, 2 fins de semaine et la semaine entre les deux, donc dès ce vendredi jusqu'au... ça va amener ça jusqu'au 11, dimanche le 11 octobre. Oui. Donc, il y aura des activités un peu partout, dans les cafés, les restaurants, les bars de la ville. Et on a toutes sortes de formules, évidemment, au Zénob. Il y a des apéros à 5 heures. Après ça, ça reprend à 7 heures, à 21 heures, à 23 heures pour les micros de nuit. Donc, pas au lieu de passer à travers une liste, il y a un élément que je voulais souligner, étant donné toute une connotation 375e anniversaire à peu près tout ce qui s'est fait culturel à Trois-Rivières cette année. Donc, cette année, c'est une édition spéciale 375e, mais c'est également un anniversaire pour le festival. C'est leur 25e. Donc, ça, déjà, c'est honorable. Et ils ont la bonne idée de réinviter tous les grands prix du festival. Donc, chaque année, un poète se voit décerner le grand prix du Festival international de la poésie de Trois-Rivières, qui est maintenant le grand prix québécois du Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Et puis, donc, tous ces lauréats ont été conviés à revenir à Trois-Rivières. Donc, il y aura beaucoup parmi les poètes québécois, parce qu'il y a vraiment... beaucoup de poètes, mais beaucoup viennent de l'extérieur aussi. Donc, ça dépend de nos champs d'intérêt. Moi, je suis plutôt intéressé par connaître le milieu des poètes québécois. Souvent, on les rencontre ailleurs. Bon, moi, je suis bien impliqué dans les milieux de la poésie, donc j'aime bien les revoir à Trois-Rivières, les accueillir. Et donc là, on a vraiment des gens de tout âge. Là. Il y a peut-être un peu moins axé sur la relève, la jeunesse cette année au festival, mais des poètes importants, il y en aura plusieurs. On peut penser à Nicole Brossard, Jean Chamberlain, etc. Pas Jean Chamberlain. Salut Jean, je pense à toi. Mais... Chamberlain. Pierre-Jean-Jacques Chamberlain. Charles. Monsieur Chamberlain. Georges. Donc, des gens bien, bien importants dans le milieu de la poésie. Paul Chamberlain, voilà. Bon. Et puis, cette année, le Grand Prix est remis à Jean-Paul Daou. Ça, ce qui est une bonne nouvelle en soi, parce que c'est un bon lecteur de poésie, quelqu'un qui a toute une personnalité, un peu showman, et donc toujours le ton, le don de trouver une façon de rendre ses poèmes intéressants, qu'ils soient dans un petit café, je sais pas, la formule spaghetti, boulette de viande et poésie, par exemple, au manoir. Il faut savoir s'ajuster. C'est pas exactement la même chose que pendant la soirée littéraire Radio-Canada, par exemple. Donc, je voulais souligner que Jean-Paul Daou sera donc présent tous les jours du festival en tant que lauréat du Grand Prix québécois du Festival international de la poésie Trois-Rivières cette année. On sent que t'aimes ça dire ça. Bon, écoute, il faut le dire. Ouais. C'est un long... Et ce qui est intéressant avec le Festival international de la poésie Trois-Rivières, c'est que c'est pas le Festival international de poésie de Trois-Rivières. C'est un Festival international de la poésie. Ah, et nuance. C'est un la capital. C'est le Festival de la poésie. Ce qui relance tout le débat, qu'est-ce qui est la poésie, qu'est-ce qui n'est pas la poésie. Il faut savoir une chose sur le Festival international de la poésie Trois-Rivières, c'est que c'est un festival d'éditeurs de poésie. C'est un milieu, un réseau d'éditeurs de poésie qui vendent des livres. Donc, le fameux critère de devoir être édité pour être invité au festival tient sa raison d'être de ses sources économiques de subventions, de mandats même de diffusion du livre. Il y a des poètes qui vont lire dans un micro pour qu'ensuite on ait acheté leur livre. C'est une voie de diffusion du médium livre et librairie et tout ce que ça implique. Donc, évidemment, la relève non publiée ou publiée chez des maisons d'édition indépendantes en dehors des circuits majeurs de littérature ne sont pas invités au festival. Mais justement, est-ce que c'est pas la raison d'être d'un neuf festival comme l'année passée? Absolument. Ou... Ça se réconcilie tout à fait parfaitement. Donc, d'un côté, peut-être arrêter de critiquer un festival qui a des objectifs qui sont les siens et qui sont très avoués. Et de l'autre côté, d'accueillir, par contre, avec beaucoup d'ouverture, des initiatives émergentes ou de poésie, disons aussi inclassables parfois, des spectacles de poésie multidisciplinaires. C'est pas nécessairement dans le mandat du Festival international de la poésie. C'est leur droit de le faire aussi. Je veux dire, quand tu organises quelque chose, tu as le droit de décider des règles. Oh, c'est comme si j'invite du monde pour un party, j'invite. Mais voilà. Et quand tu as des subventions, il faut que tu rendes compte de ça. Tu as un rapport à faire. Il faut que tu invites des gens qui sont impliqués dans là où tu tires ses revenus. On peut lui reprocher de ne pas avoir été dans une autre direction, mais si le festival assume son mandat et rend service quand même au milieu de la littérature publiée, il faut le dire, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Mais évidemment, autour de ça, il y a de la place pour bien d'autres manifestations. Exact. Dont Love Poésie. Cette année, pour la troisième année, ça se déplace du Charlot vers l'Appart. Donc, l'Appart est très heureux. Également aussi de pouvoir présenter une programmation du Off continuelle. Donc, à chaque jour, il y a quelque chose. Leur marque de commerce, c'était bien sûr les micros ouverts, sans aucune discrimination. Alors ça peut être très drôle ou très horrible, mais ça fait partie, ou très, très bon. Parfois, ça fait partie des règles d'un micro ouvert. Mais j'ai déjà vu des festivals officiels dégénérer dans des trucs pas jolis, jolis non plus. Donc, évidemment, il y a toujours de l'inégalité dans tout ça. Ce qui est intéressant, c'est que l'organisatrice cette année, Erika Soucy, a vraiment thématisé ces soirées. Et là, ça va rendre ça vraiment intéressant. Et moi, j'aime proposer aux gens des différentes approches et choisissons une approche avec laquelle on est plus confortable, on est plus curieux et on va assister à ça. Donc déjà, il faut mentionner que l'appart, c'est sur la rue Saint-Antoine, à côté de l'atelier Presse-Papier. C'est vraiment au bout de la rue Saint-Antoine vers le fleuve, au centre-ville de Trois-Rivières. Donc, c'est pas du côté du Bravo Pizza, mais plutôt du côté du fleuve, donc de l'autre côté de Notre-Dame, centre. Et c'est une galerie vraiment accueillante de tout ce qui est pratiques alternatives, regroupements. Et ils ont également eux-mêmes des thématiques à chaque soir. Donc, les thématiques déjà faites par l'appart ont servi de base pour les soirées de poésie. Je m'explique. Le vendredi, généralement, le premier vendredi du mois, c'est une soirée consacrée aux Premières Nations. Donc, ils vont faire des spectacles multidisciplinaires, du micro ouvert, donc des gens des Premières Nations, mais également des gens intéressés aussi à y assister, à y participer. Il y a du chant, de la danse, des choses comme ça. Ça commence, là, pour l'instant, ça n'a pas été encore poussé au maximum, mais il y a déjà quelque chose là. Donc, la première soirée du Off Festival, le vendredi, aura cette thématique, respectera cette thématique-là des Premières Nations. Mais il y aura également, je pense, à un poète en particulier qui s'appelle Jonathan Lamy, un type de Montréal qui travaille en poésie-performance et notamment dans des recherches universitaires s'intéresse à la performance amérindienne, aux rituels, au théâtre, aux pratiques poétiques ou du conte amérindienne. Donc, de son côté, dans ses recherches de création, ça va être intéressant de voir dans un contexte devant des gens des Premières Nations, sentir qu'est-ce que ça peut amener comme dialogue ou comme ouverture. Donc ça, c'est la soirée inaugurale. Également, je dois mentionner les deux samedis du festival. Si vous avez plutôt envie du versant off du festival, le samedi 3 et samedi le 10 sont des soirées SPASP, soirées de poésie et autres paroles émergentes. Donc ça, c'est vraiment plein de poètes invités avec un micro libre à la fin pour tout le monde. Et les poètes invités sont vraiment bien choisis. Là-dedans, il faut le dire, il y a des jeunes qui ont été publiés. Donc, c'est vraiment des gens de la relève, mais qui ont aussi une invitation, parfois l'ont déjà eu ou l'ont cette année, une invitation officielle au festival. Ils l'ont refusé ou accepté dépendant des gens? Il y en a qui font les deux. Ah oui, ah, c'est bien ça. Oui, et je sais que l'année passée, ça a causé problème à la direction du festival. Cette année, ça ne semble pas. On peut accepter, évidemment, si tu as des engagements du festival, parce que le festival te paye, t'as des cachets comme artiste pour aller faire les trucs. Évidemment, faut pas que tu désertes pour aller les row-off, ça a l'air plus le fun. Ce qui est pas le cas non plus. On doit dire qu'il y a vraiment des très belles soirées. Moi, je pense en particulier aux Zénob, à l'Embuscade, les jazz et poésie, tout ça, c'est le fun pour quelqu'un qui aime la poésie. Et donc, du côté des samedis du off, ça propose vraiment une soirée de belle qualité, là. Inutile un peu de nommer les noms, mais on parle de beaucoup de poètes de l'extérieur de Trois-Rivières qui sont super pertinents, des jeunes d'ici également. On peut aussi mentionner un concept assez intéressant le jeudi 8 octobre, une soirée Pimp My Poem. Non, P-I-M-P, c'est des poésies, improvisations musicales et picturales. C'est inspiré du VIP à Montréal, un concept de virus d'improvisation picturale, donc impro-peinture, si on veut. Donc, il y a des poètes qui sont mêlés là-dedans, des musiciens et des peintres. Donc, à partir d'un poème qui est dit ou performé, la musique crée une ambiance et là, la peinture embarque. Et là, il y a tout un système un peu comme dans l'impro, le public vote, ce genre de choses-là. Ça me semble une soirée intéressante. Et puis, le vendredi 9 octobre aussi, ça mérite d'être mentionné, c'est une soirée vraiment d'avant-garde, Noise and Words, donc des propositions poétiques vraiment intégrées dans du noise, des musiques électroniques ou du rock très lourd, très très gommant. Là, on parle vraiment de musique, des textures, des trucs assez sombres. Et puis, là-dedans, il y a trois formations qui participent. Gilles Cancer, qui est un groupe de Trois-Rivières, Capitaine Miao, qui est un duo de Montréal, et également le groupe Eux autres. Ils sont de Trois-Rivières également. Et donc, j'avais parlé des deux samedis. Ça se termine le 11. Ouais, le 11, c'est pâtisserie et poésie. Oh, moi, ça me font 20 moins, là, un petit poème sur une truffe, là, moins sûr. Mais c'est sûr des idées qu'on essaie comme ça. Ça développe des partenariats et ça peut rejoindre d'autres personnes. Moi, je vois rien contre les pâtisseries, hein. Non? T'es pas un pâtisseriste? Non, plus ou moins, c'est ça. Je suis moins lyrique, peut-être. C'est pas comme si je vois un croissant amande que je vais être vraiment nécessairement inspiré. Par contre, ça peut être sympathique. Mais parlons donc de... N'importe quoi qui inspire, comme un capitaine Miao. Parlons donc de patates. Let's talk potato. Écoutons Franck Martel et l'Ouest Céleste et on revient sur les patates. Bon, tout de suite. Vous êtes à Assemblage Requis dans le bloc Va voir ailleurs si j'y suis. Je disais avec un accent. Va voir ailleurs. Ailleurs, vous êtes assez fous. Bonsoir, Madame la Lune. Mais que faites-vous donc là? Mais que faites-vous donc là? Bonsoir, Madame la Lune. Mais que faites-vous donc là? Mais que faites-vous donc là? Je fais mûrir les prunes pour ces enfants-là. Je fais mûrir les prunes pour ces enfants-là. Bonjour, Monsieur le Soleil. Mais que faites-vous donc là? Mais que faites-vous donc là? Bonjour, Monsieur le Soleil. Mais que faites-vous donc là? Mais que faites-vous donc là? Je fais mûrir les groseilles pour ces enfants-là. Je fais mûrir les groseilles pour ces enfants-là. Bonsoir, Madame la Lune. Mais que faites-vous donc là? Mais que faites-vous donc là? Je fais mûrir les prunes pour ces enfants-là. Je fais mûrir les prunes pour ces enfants-là. Ok, Wan, ça en cogne les doigts, ta main aime ça. Fais-toi pas mal pour ça, Kiwan. Mais non, mais j'aime ça les patates. C'est bon les patates. ce qu'on entendait, c'est Franck Martel, c'est un quart des patates. C'est une formation qui vient à Trois-Rivières samedi prochain, le 3 octobre, dès 20h pile, nous disent les organisateurs. C'est la 13e édition du FIMU, un autre festival international de musique universelle, celui-là. Ça existe depuis 5 ans, ils ont rythme éperdu, deux éditions par année. Mm-hmm. Et le clou de la soirée, c'est la venue des patates. Qu'est-ce que c'est que ce groupe? À peu près sérieux. C'est un groupe très sérieux, mais en même temps, le contenu est ludique. Ce sont quatre grands musiciens de la scène. Musique actuelle, expérimentale, jazz pour certains. On peut les nommer. Jean de Rome est extrêmement connu dans les milieux de jazz. C'est un saxophoniste hors pair. Il a piloté de nombreux projets, notamment avec René Lucier, un des membres fondateurs de l'étiquette Ambiance Magnétique, reconnu mondialement. Il fait aussi de l'expérimentation. C'est un peu notre John Zorn québécois, pour ceux qui connaissent. Si vous connaissez John Zorn, il y a des chances que vous connaissiez de Rome. Il y a également Pierre Tanguay, qui est un batteur, peut-être le musicien qui a le plus de collaborations musicales présentement vivant au Canada. Ce gars-là a travaillé sur quelque chose comme 400 CD dans les dernières années. Un des grands batteurs du Québec, du Canada. Lui aussi sur le circuit des musiques expérimentales, mais également membre fondateur de Strada, un ensemble de musique du monde assez intéressant aussi. Donc, Pierre Tanguay fait partie des patates. Urbain Desbois, lui, est plus facile à présenter. Ouais, le plus populaire. Oui, alias Luc Bonnet, de son vrai nom. Il a une longue carrière derrière lui. 4 albums maintenant, mais ça a commencé avec des cassettes, ça, Underground à Montréal. Après ça, il a mis ça sur disque. Puis un de ses classiques, là, c'est le premier CD, c'est « Ma maison travaille plus que moi ». Et là, il en a sorti un l'année passée. Urbain Desbois, lui, fait beaucoup de la chanson, un peu dans le genre à Franck Martel qu'on a entendu. Chanson à texte, ambiance, avec une petite touche d'humour. Et François Martel, lui aussi, un peu moins connu, mais il a quand même 3 disques à son actif, également publié de la poésie. Travaille avec sa conjointe Nathalie de Rome. Il joue du térémine, entre autres. Ils ont des projets assez intéressants ensemble. Et donc, ces quatre-là ont chacun leur répertoire. Ils ont joué des pièces, ils ont toutes sortes de compositions à gauche, à droite. Des fois, des affaires vraiment étranges dans d'autres contextes. Mais là, ils se font un band de chansons. Les quatre, imaginez saxo, drum, probablement 2 guitares ou térémine guitare, là, on verra, ou basse, peut-être Urbain Desbois, ou Urbain Desbois qui est aussi un drummer à la base. Donc, ces gens-là reprennent les tunes d'un et l'autre. Donc, c'est un espèce de concept. On voit ça souvent à Saint-Jean, par exemple. Ils sont 8 à reprendre du France d'amour, puis Hawaii, Laurent Jalbert dans le mix. Que des hits. Mais là, avec des affaires complètement pas connues, à part peut-être les tunes d'Urbain Desbois et une dose d'humour vraiment à eux. Ça, c'est certain, ça va être excellent. C'est à l'atelier Silex, un bel atelier de sculpture, mais c'est pas juste un atelier de production avec des machines et tout. Il y a aussi une section galerie avec une salle de spectacle. Le FIMU, de toute façon, faut dire que c'est un événement multifacette. Ça dure plusieurs heures, ça commence à 8 heures, ça finit à minuit, 1 heure. Il y a également Hélène Prévost, qui est une ancienne animatrice de Radio-Canada, une référence en musique expérimentale. Elle se met enfin à la création, donc elle présente quelque chose en électroacoustique. Donc, c'est plutôt des musiques, on se ferme les yeux, puis on imagine des choses là-dessus, un peu cinématique. Il y a également André Marceau, poète de Québec, avec son groupe qui présente une espèce de suite poétique super intéressante qui s'appelle Pop Sakavi, en référence un peu à la pub des années 60-70 et des poèmes dans tout ça, mais ça passe vraiment très très bien avec un groupe bien sympathique. Et puis, les patates terminent en fin de soirée. Il y a les Enfants Teflon, aussi un duo de Trois-Rivières qui font des musiques assez étranges. Donc, de même, ça a l'air étrange, mais en situation, tout se passe bien. Vraiment, le FIMU a ce don-là de mettre de la bonne humeur, même quand les propositions sont un petit peu plus sérieuses. Il y a toujours quelque chose de carnavalesque avec le FIMU. Et son organisateur, Francis Arsenault, qui est vraiment un individu à plusieurs ressources. Tout à fait inventif. Donc, cette année encore, ça revient avec l'édition d'octobre du 13e FIMU, samedi, le 3 octobre. L'entrée, c'est 10$. Il y a quelque chose comme 8-9 spectacles à peu près toujours d'une demi-heure dans la soirée avec toutes sortes d'intermèdes, la performance là-dedans. Bien des surprises, évidemment, toujours. C'est à l'atelier Silex sur la rue Père-Frédéric, près de l'ancienne gare Chanteloup, près du boulevard Saint-Maurice aussi, là, dans le coin du Bucafin, par exemple. Sainte-Julie, là, vous voyez un peu ce coin-là. 10,95 Père-Frédéric. Pour le FIMU, si vous êtes utilisateur Facebook, tapez FIMU, vous allez trouver le groupe très aisément. Donc, si ça se passe toute la même journée, tous ces spectacles-là pour le FIMU, c'est le 3 octobre. Oui, le 3 octobre, dès 20h jusqu'à ce que la nuit s'en suive. Ça finit tard. Ça finit souvent tard. Mais c'est excellent. C'est vraiment... Et il faut se dire aussi, si vous êtes curieux, vous dites, ça doit être juste des artistes, absolument faux. Il y a un public du FIMU, des gens, des fois, qu'on ne voit jamais sortir ailleurs, mais pour le FIMU, sont là. Il y a des gens vraiment de toutes sortes de provenances qui viennent. Et aussi, souvent, c'est parce que les groupes arrivent de l'extérieur, donc ils amènent leur gang aussi. C'est assez pour une expérience différente de ne pas toujours voir la même monde. Le FIMU, c'est une référence. Ben, c'est le fun que tu dises ça parce que des fois, ça peut être épeurant un peu pour quelqu'un qui ne connaît pas ce milieu-là, qui aurait le goût d'aller voir ça. Des fois, ça peut être intimidant un peu d'aller à l'atelier Silex. Ça a l'air d'un peu un endroit réservé, mais... faut pas se gêner, il faut aller. Ben, faut oser. C'est sûr que c'est ça qui est un peu magique aussi. C'est qu'à un moment donné, t'es dans la soirée, tu fais comme, wow, tout ça se passe ici, tu sais. Puis, il y a un service de bar, il y a des chaises pour s'asseoir. C'est pas quelque chose qu'il faut connaître la place. Puis, c'est vraiment fait pour avoir de la clientèle. Mais le créneau qu'on vise, c'est les musiques plus expérimentales ou vraiment hors normes, difficiles à qualifier, difficiles à classer. Et aussi beaucoup provoquer des rencontres, des projets multidisciplinaires qui n'existent que pour un soir seulement ou des choses comme ça. Et au niveau de la qualité, c'est là. Donc, une direction artistique solide à ce niveau-là. Le FIMU, ça a vraiment parti de rien. Maintenant, on arrive avec... Il y a des spectacles qu'on n'aurait pas nulle part ailleurs si ce n'était pas des initiatives du FIMU. Voilà. C'était ça pour cette semaine. Donc, cool. Poésie pour 10 jours. La semaine prochaine, je reviendrai avec d'autres suggestions dans un autre domaine. On verra. Mais c'est sûr qu'à Trois-Rivières, le festival... c'est pas mal ce qu'il y a à faire. C'est la grosse chose. Ou regardez le programme, regardez fiptr.com sur Internet. Vous allez sûrement trouver quelque chose. Réservez un souper dans un resto, il risque d'avoir des poètes. Vous allez avoir des surprises aussi. Ce qui est intéressant pour certaines personnes, c'est ce qu'on aime, c'est l'exotisme. Donc, des gens qui lisent des poèmes dans d'autres langues. Ensuite, c'est traduit. Donc, c'est des expériences qui font différent. Ça sort des sentiers battus, comme on dit souvent. Et c'est l'idée de la chronique de Sébastien Dulude qui s'appelle Va voir ailleurs si j'y suis. On retrouve mercredi prochain. Voilà. Merci. Bonne fin de journée. À bientôt. Merci. Vous êtes toujours à Assemblage Requis jusqu'à 17h. On fait bientôt. C'est presque la fin, mais on a le temps de s'écouter une pièce de Metric. Oui, on va écouter Collect Call de leur album Fantasies. Vous êtes assez fous. 89.1 FM. La radio autrement. bien raison avec ça. Difficile de s'inter, tu sais. Metric! La pièce Collect Call. Ridicule, hein? Ridicule. Ridicule. Hey, c'est déjà la fin de cette édition d'Assemblage Requis, mon K-1. Ben oui, on se retrouve demain à 15h. Et demain, on va recevoir Maxime Lemieux-Laramé avec sa chronique de suggestions musicales. Télécharge quoi donc? Oui, on a hâte d'avoir ça. On fait toujours des belles découvertes avec Maxime. C'est toujours super divertissant, comme tous nos chroniqueurs. Et on remercie évidemment le chroniqueur d'aujourd'hui, Sébastien Dulude, qui vient de nous quitter. François Landry n'était pas là, mais il va être là la semaine prochaine. Il va être de retour lundi pour sa prochaine chronique politique. Sinon, ben, ce soir, assez fou, c'est du rap. À partir de 19h, il y a Rap 101. Puis à 21h, c'est Volte-Face. K-1, passe une belle soirée, toi. Ben, merci, toi aussi, Mathieu. Ouais, et puis vous aussi, à la radio. Hein? On se quitte avec une pièce de D. C'est un succès du palmarès anglophone. Elle s'appelle Hot. C'est pas ma prononciation de Hot. Avec un H très culturel. Faut prononcer le H, c'est important. C'est la lettre la plus importante. Et puis il y a même un point d'exclamation à la fin. Donc, prononce pas assez les H. Allez voir assemblagerequis.com pour toutes les infos sur l'émission d'aujourd'hui et pour la balado-diffusion de chaque émission. Bonne soirée, à demain. Bonne soirée, bye bye. Bye bye. Ha! Bye bye. Pas de H dans bye bye. Bye.